car le corps pendu dans les veines se vide. Les ouvriers s'en retournent avec les régisseurs à la coursive. Le grand médiateur, un siffleur parle de la partie. On n'est plus mère ni enfant quand on ne fabrique plus. On ne reste que spectateur d'un commerce sans patrie. L'humain se dit, s'échange de noir dans le nouveau monde. Et sera plus. C'est le monde d'antisans. Les cartes de la tête surgirent de plus mieux. Je t'en fais ça pour tout jamais. Les cartes de la tête surgirent de rideau. Je t'en fais ça. C'est le monde d'antisans. Les cartes de la tête surgirent de plus mieux. Je t'en fais ça pour tout jamais. Mort. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Pour le monde, vous êtes déjà mort. Les actes religieux les plus insignifiants auxquels quiconque se livrera se verront punis aussitôt par la mort. Tous les participants seront vêtus selon les circonstances. Couchés par terre,

Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Yeah.